Bonjour, Pôle emploi à votre service. Le 3949 est le numéro unique des demandeurs d'emploi et des actifs. Au cours de votre navigation téléphonique, vous pouvez utiliser la touche étoile pour interrompre des messages. Pour accéder à nos services, appuyez sur la touche étoile. Merci. Composez maintenant les deux chiffres de votre département. Attention, pour les DOM, composez le 97. Vous avez choisi le département Paris. Tapez 1 pour confirmer, tapez 2 pour modifier.